ils arrivent d'un autre univers. Les Viltoron, ils combattent pour sauver la Terre. Les Viltoron, ils défendent la justice, se battent pour la liberté. Sangora, Jones, Zack, C-17 et Transpireman. Qui ne saura les arrêter? Zack. Oui, mais nous, nous sommes les Bitomènes. Gohan. Oh, mais c'est quoi donc? Transpireman. Ouais, c'est une bonne idée. Aïe. Tu vas morfler, tête de rat. Joe. C'est 17. Tu n'aurais pas dû me provoquer. Tu as subi ma super attaque. Myriam. Attention, noble chevalier. Biman. Vous avez réponse. Merci de me l'entendre dire. Biman. C'est Luloïd. Le Bitoman, là vous m'avez provoqué. Le nage. Attends, c'est pas fini. Musulman. Purée Maurice, comme t'es sapé. Putain, il est dans mon magasin, regarde ta gueule. Comment se battre les vrais pirates. Harlock. Ils arrivent d'un autre univers. Les Bitoman. Ils combattent pour sauver la Terre. Les Bitoman. Ils défendent la justice, se battent pour la liberté. Sangora, Jones, Zack, C-17 et Transpireman. Qui ne saura les arrêter? D'un autre univers. Les Bitoman. Ils combattent pour sauver la Terre. Les Bitoman. Ils défendent la justice, se battent pour la liberté. Sangora, Jones, Zack, C-17 et Transpireman. Qui ne saura les arrêter? Je vais les subir, mon Pelican Jones. Qui ne saura les arrêter? Qui ne saura les arrêter?